Bonjour Margot, Fanchon, bonjour. Tu te trompes, ma chère. Mais finis donc, fais-tu te taire. À ton ami, peux-tu jouer son tour? Margot va m'en vouloir, Fanchon sera jalouse. Écoute, c'est moi qui t'épouse. C'est moi qui serai ton mari.